Wassa. Papa, Chanel fils, la salakana popoto, la moté ma fête ou un peu moko, et le coco moussoua na yébite. Ikunianza papi mangaï, la mona de la kate, faune yébi, ta mère komona, na ta monoga, imamoué, ta oui imamoué, le la maman, gana de la papa, le la yaya, gana de la papa. Nalela tiri, nalela mpetutu, nalela mpede, nalela bolingo.